novembre au 4 décembre, ne manquez pas la 5e édition du Festival du film roumain. Pour les fêtes, offrez le rire, le drame et le suspense en cadeau grâce à nos abonnements et nos cartes cadeaux en vente sur place ou sur notre site Internet. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Parfait, merci. Ah, le sympathique Bruno. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Ah, parce que, OK, je pense que Bruno te fait signe. Il me fait signe. Oui. Bon. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Marc. Bienvenue à Terra Incognita. Bonsoir, chers auditeurs et amateurs de rock progressif. Et auditrices. Et auditrices. Hey, et oui. Écoute. Absolument. Hein. Ah. Hey. La nouvelle a circulé cette semaine. Je pense que vous avez peut-être entendu parler, amateurs de prog, peut-être. On a des bonnes nouvelles ce soir. On commence à dévoiler un peu la programmation de mai 2015, la convention Terra Incognita. Et le samedi, on va avoir le grand plaisir, 16 mai, pour préciser aussi là, quand même, c'est le 16 mai, on va avoir Annick Dutton. De la Suède. De la Suède, écoute. Une groupe. Leur dernier concert à Québec remonte à 1998, 16 ans. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire qu'ils sont trop visiteux. Non, hein, puis c'était leur deuxième spectacle. Là. Le premier, c'était en 94 au bar d'Auteuil, avec Discipline. C'est un beau souvenir. Et j'avais adoré. J'avais travaillé sur ça. Ouais, ça avait été mon... C'était l'album V-Mode, justement. Et oui. le premier disque qui est vraiment leur chef-d'œuvre, mais quoi que... le plus récent, ça fait quand même il y a 7 ans. Il y a 7 ans déjà. Ouais, écoute, ouais. Moi j'en reviens pas. Excellent. On a fait jouer une pièce. Bruno, on a choisi une pièce il y a deux semaines, justement. Je trouvais ça, la coïncidence est le fun. Mais je m'attendais tellement pas à Annick Dutton. Je suis tellement content. Moi, écoute, je t'avoue que ça fait quelques années qu'on en discute. Il y a toujours quelque chose qui fait que, ça marchera pas. Puis cette année. Tout s'est placé, là, mais j'en revenais même pas. Je me suis pincé 2-3 fois. Je disais, hey, ça marche. Ça marche. Ça va marcher. Puis je pense qu'ils travaillent sur un nouveau disque. Hein? Oui, c'est ça. Ils sont encore en train de mixer. Yann-Éric me disait que peut-être là, février, peut-être. Ils sont pas, il ne veut pas donner de date parce qu'il. Comme il dit, on ne travaille pas vite. Mais ça serait probablement avant la convention. Oh, oui, ça, c'est sûr. Ben, enfin. Oui, ça serait. C'est ça. Il y a des grosses chances. Il y a des grosses, grosses. C'est ce qu'il m'a dit. Il y a des gros. Les chances sont assez énormes que ça soit avant. Ça, c'est sûr qu'on l'a entre les mains peut-être un peu avant. Ouais, c'est super. Puis il y a un groupe américain aussi qui va faire la première partie ce samedi. Ben, c'est en fait pas la première. Ben, c'est le groupe qui donne le coup d'œil. Ouais, parce que ben, j'aime mieux pas présenter ça comme une première partie dans le sens que chaque groupe. Oui, en soi est un spectacle. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est le premier groupe. C'est le premier groupe. Parce que c'est pas des spectacles de 30 minutes comme on a en première partie. C'est ça, 40 minutes, 45 minutes. Eux, ils donnent un concert complet. Là. Un concert complet. Ouais. Moi, je me dis, quand les gens se déplacent, ils partent... Quand Arabs and Aspic était venu, là, justement, Vincent a fait jouer tantôt, ils ont fait un gros show. Puis... Ben oui. Wow. Et moi, je pense que... Je veux dire, quelqu'un qui prend la peine de se déplacer... De la Suède. De la Suède. Là, tu dis, ben regarde, je te coupe à 30 minutes. Non. ça se fait pas. Ça se fait juste pas. Et oui, c'est ça. Le groupe qui va ouvrir le samedi, c'est Elephant of Scotland. Je ne les connais pas. À part on va l'entendre ce soir. Jouer, on va l'entendre déjà il y a quelques mois. C'est un nouveau groupe. Ben, c'est relativement nouveau. Ils ont deux disques en 4 ans. Mais le groupe a été formé en 2010. Donc, eux sont plus, comment je pourrais dire, plus productifs qu'Anecdote. Ça. Et puis, je pense qu'ils veulent vraiment. Là, mais enfin, je pense que ça va être il manque un groupe dans le milieu, dans le cas. C'est pas encore pour la première journée. C'est pas encore tout à fait classé. Puis ben, le dimanche, on travaille sur ça. Là. Mais je pense que ça va être encore une fois une fin de semaine magique pour les amateurs de prog. Ça, j'en doute pas. Enfin, je fais tout pour que ça arrive de même. C'est vrai que je pense qu'on va on va se faire plaisir. Et, écoutez, on parlait d'Anecdote tantôt. C'est un des groupes qui a relancé le prog dans les années 90, début 90. Puis ça venait de Suède, la vague. Mm-hmm. Flower King, Anglagard, Dan Burke, Anecdote. Et puis, leur premier disque, c'est un classique des années 90. Ah oui. Et puis, ce soir, on va écouter une pièce. On va en écouter deux. La première, c'est un extrait de V-Mode, mais le V-Mode version japonaise. Avec une pièce inédite. Supplémentaire. C'est ça, une pièce bonus, mais c'est toute une pièce. Je l'aurais laissé là dès le début. Donc, on écoute un premier extrait de Anecdote. C'est du disque V-Mode. That wasn't meant to come. She's walking by the frozen sea, trying to count the stars that she can't see. A distant sound of black rain in the water. Pale moon shining soft through a cloud. The sun is turning black in the horizon. The wind is slowly tearing her apart. We'll be right back. has come, my friend, a child who cries and no one seems to care. The echoes of the birds are gone, the sky is painted gray, but it's so searching for a light in the darkness. Try to keep your eyes from the dirt. Taste the bitter wine of tomorrow. I'm walking on a path that never ends. Walking on a path that thank you. Storm.

Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Du 18 novembre au 6 décembre, Premier Acte présente « Mes enfants n'ont pas peur du noir », un texte de Jean-Denis Beaudoin, mis en scène par Édith Patnaud. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus. Nous voilà de retour. Je dis « nous » parce que ce soir, je ne suis pas seul. Je suis avec Marc. Ben, Bruno, on ne le compte pas, là. On ne l'entend pas, ça fait qu'on n'en tient pas compte. Là, il s'en va, tu sais, bon, il est frustré. Ben, écoutez, on a un dernier bloc qu'on a eu en tout dernier lieu, c'était Elephant of Scotland. Un groupe américain. Est-ce qu'on doit le rappeler? Le 16 mai, à 16h30, au Centre d'art La Chapelle, dans le cadre de la Convention Terra Incognita. Les billets sont déjà en vente, apparemment, d'ailleurs. Oui, sur le site du Centre d'art. Et oui, billettes aussi. Mai 2015, 11e Convention Terra Incognita. J'ai l'impression que les billets pour samedi... je sais que ça commence à s'envoler. Je ne voudrais pas trop traîner, parce qu'Anecdoton... Non, ça fait longtemps, 16 ans. Je pense que les gens savent que c'est un excellent groupe. Aussi, tous les albums sont excellents. Puis, il va peut-être avoir sûrement des extraits du nouvel album. Assurément. Puis, bon, en parlant d'Anecdoton, les deux premières pièces du bloc, c'était Anecdoton. Un premier extrait de Vemod, puis le second, c'était de Gravity. Vemod, ben. Comme on en parlait tantôt, c'est un classique pour moi là, des années 90. Là, c'est un de... Bon, comme le Flower King, Retropolis, ou The Stardust We Are, ou... Un des albums qui marque le rock progressif dans les époques. De cette génération-là, c'est évident. Et puis, ben, je pense qu'on a fait le tour déjà. on va avoir bien d'autres surprises ce soir-là. Pas nécessairement, on n'annonce rien d'autre. Là. C'est pas ça que je veux dire, mais la bonne musique, on a. Et puis, ben, on va aller faire autre chose. On parle de Scandinavie. C'est un groupe norvégien. Ben là, c'est pas un groupe norvégien, parce que c'est un des membres d'un groupe norvégien, Bjørn Riis, le guitariste et compositeur de Airbag. C'est son premier disque solo, qui a pour titre Lullaby in a Crash Car. Et c'est ce qu'on écoute. Mais le temps de vous rappeler quand même que vous êtes à l'écoute de Terra Incognita. Et c'est CKRL 89.1. Hi, this is Bjørn Riis, and you're listening to Terra Incognita, the progressive radio show of Quebec City. Breathe slowly now.

Now that we got a face, ain't no train coming. The whole thing is fucked, no one's winning this race. To me now. now when I lie to you. Simply because it was something to do. So much fun for sure. You can't expect for this shit to stay new. I need one. Jimmy proud. The church agrees his private army will be used to stop the crowd. There's a peaceful protest gathering the faithful in public square. And they'll get beaten better than abused, cause they see God. The day when God and the devil shake hands. Media mogul calls his cop and he takes him for a meal. He offers him a kickback to bust this guy who's a rival in some deal. We'll be right back. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Jusqu'au 18 novembre, c'est temps de voter pour le Gala 2014 de CKRL dans la catégorie Choix du public. Pour encourager vos émissions favorites, rendez-vous sur ckrl.qc.ca et faites votre choix parmi les émissions éligibles. Un seul vote par jour sera comptabilisé. Faites-vous entendre et courez la chance de gagner un certificat cadeau de 25$ au triplex suspendu. Les lauréats seront connus le 21 novembre prochain. Alors, madame, est-ce que ça faisait? Oui, mais je vais prendre juste le chemisier. Donc, le chemisier. En plus, je vous donne un jeans, une veste cintrée, la jupe, un cardigan, une écharpe en soie, les deux t-shirts, un col roulé, une ceinture, le pantalon et le petit top en lin super mignon. Ça va être tout? Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez-nous voir sur boutiquevoir.ca. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez Antitube, Le Dominion de Seth et Un chemin avec Edmond Baudouin. Birdman, Gemma Bovary, Geronimo, Henri Henri. L'Opéra national de Paris présente Le Barbier de Séville. RIDM à Québec, Stop Making Sense. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la Civilisation, Geronimo et Gemma Bovary. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes-annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. 89.1. Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers. Vous écoutez CKRL. L'émission Terra Incognita. Je ne suis pas habitué, moi, là. Je t'ai surpris. Ben oui, il y a du monde qui parle pendant que je parle. Stop! On arrête tout ça. Bon, on y va. Mais là, je t'ai excité un peu. Tu venais de nous faire jouer du gong. C'est une primeur. Ah ben oui, I See You. C'est un de mes groupes préférés. C'est le, je sais pas, c'est le combientième gong. Mais ça doit en faire comme quelques-uns. Et puis, ben, on s'en parlait, là, je pense, c'est peut-être le dernier aussi. Là. 75 ans, David Allen. Et puis, il est en train de suivre un traitement pour le cancer. Donc, actuellement, oui. Ouais, ça regarde pour... Mais ça sera un beau disque d'adieu si c'est le cas, là, parce que vraiment... Il y a un guitariste d'origine suédoise. Finlandaise, ok, ouais. sur ce disque-là. Donc, des musiciens différents, il semblerait, au niveau de l'ambiance. Le groupe est stable depuis un petit bout, sauf peut-être le guitariste. Sauf le guitariste, oui, puisqu'il y avait eu Stevie Lage au précédent. Ah ben non, mais là, écoute, Stevie Lage, on peut pas l'avoir tout le temps. Non. Et puis avant, on avait... Ça nous vient du New Jersey, un de mes groupes préférés de Stoner, mais là, c'est pas du Stoner qu'ils font, là. Monster Magnet. C'est un drôle de projet parce que ils ont lancé un disque l'année dernière qui s'appelait Last Patrol. C'est ça qui ressemblait à du vieux Pink Floyd. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, un peu Set the Control of the Earth of the Sun. Oui. Un peu dans le... et puis, ben, le leader du groupe a décidé de reprendre des pièces puis de jouer avec. Là, puis fait que ça a donné Milking the Stars, un ramassis. Là, ben, c'est pas négatif ce que je dis là. C'est une compilation de pièces, mais c'est pas ça en même temps. Il s'est amusé, lui, à retravailler ses pièces comme en se disant « Qu'est-ce que ça aurait donné dans les années 60 si j'avais fait ça? » OK. C'est que ça donne ça. Et puis, ça ressemble pas du tout à Last Patrol. Il y a quelques bouts, tu sais, qu'on se dit « Bon, okay, c'est un peu stoner avec des riffs de guitare un peu à la Queen. » Mais le reste, c'est quand même vraiment 60. Moi, c'est... Un coup de cœur. Je veux pas me vieillir, là, mais c'est le genre de musique que j'écoutais dans les années 60. Là. Blue Cheer, Iron Butterfly. Bon. Et tu retrouves tout ça. Là. D'ailleurs, je pense que pour annoncer là, l'autoroute, je vais mettre une pièce de ce disque-là là, qui sonne assez Iron Butterfly, là, genre le Ball ou EV. OK. Donc, ça te donne une idée. C'est vraiment, écoute, moi, je pense que je l'ai écouté. 40 fois cette semaine. C'est vraiment très bon. Donc, Milking the Star, Reimagining of Last Patrol. Mais c'est trop long. On va dire Milking the Star, c'est assez. On va savoir c'est quoi. Et puis, on avait lancé la demi-heure avec Bjorn Riss, Toi, tu trouves que c'est trop Pink Floyd? Non, mais pas ouais, trop, mais... c'est jamais trop. Non, mais je te voyais tantôt, tu disais, non, c'est ben trop Pink Floyd. Oui, oui, mais c'est vraiment bon. Je m'excuse, excuse-moi de me servir de nos conversations télévisées là, pour te mettre sur le gris. L'autre, il est rouge, là. Mais non, mais... Bon, OK, je peux être peut-être... Bon, okay, des fois, il pousse peut-être un peu loin, là, mais... C'est fortement mais c'est inspiré, bon quand même. Mais c'est vraiment excellent. Ouais, c'est oui. Ce que je te disais l'autre fois. J'ai beaucoup aimé quand on a fait jouer les premiers extraits. Puis, c'est vraiment une belle ambiance, là. Dans ce disque-là. Hein, je pense que déjà, les critiques sont excellentes pour cet album-là, puis ça vient à peine de... Ça vient à peine, de sortir, c'est là, ça. Cette semaine. Le titre, c'est Lullabies in the Car Crash, puis la pièce qu'on a écoutée, c'est Lullaby in the Car Crash. Numéro. Once again I'm in the white light. Hey, Bruno! Un avant-goût? Ça s'en vient, là. Il est impatient, Bruno. Ça sonnait de Watch, ça sonnait... Oui, mais c'est pas tout à fait ça. On va en parler dans quelques secondes. Juste le temps de rappeler que le Gong, tu me disais qu'il va être en magasin lundi, je pense. Oui, il me semble que c'est en magasin. En tout cas, il va être disponible lundi. Oui, il me semble que c'est ce que j'ai vu le 10 novembre, oui, pour le Gong. Oui. OK, donc, ben là, Bruno, il nous a comme forcé à parler de la prochaine demi-heure. Lui, il s'est enfargé dans, je sais pas dans quoi, là. J'ai dit les gars. Ouais, tu sais, Squiddy Lidley, là, quand on l'appelle le Squiddy Lidley des tables tournantes, c'est parce que là, il y a trop de bras, là, à un moment donné. Et bon, ben écoutez, oui, c'était de. Tu as raison, ça sonne comme The Watch, mais c'est pas The Watch. C'est le disque solo d'un musicien de Citizen Kane. Ah, OK, oui. Et ça s'appelle Citizen Kane, Stuart Bell Present, The Antechamber of Being. Part J'ai vu one. La pochette cette semaine. Il a invité Simone Rossetti à chanter sur ce disque. Il y a aussi le Luca. J'ai un beau. Arion. Luca. Andrew Lucarson. En tout cas, Lucas, c'est ça. On s'en fâche dans nos pinceaux. Oui, oui. Mais c'est le gars d'Arion. Lucasson. Lucasson. Bon, c'est pas pire. Il est tard. Andy Lucasson. C'est ça. C'est deux invités. Et ça ressemble. Je te dirais qu'il y a pas mal de liens là, avec les projets justement de Lucasson. Arion Lucasson. Bon. Arion. C'est ça. Il y a pas mal de points. De Citizen Kane, t'as le côté de Genesis, c'est pas pour rien que Simone Rossetti est là. On sentait cette ambiance-là dans ce qu'on a entendu le début. Là. Mais t'as aussi beaucoup de. Ben, beaucoup. T'as des éléments de EV. OK, fait que c'est. D'électronique aussi. Donc, tu sais, c'est. Beaucoup d'ambiance, là. Oui. Écoute, c'est un disque. Je l'ai écouté cette semaine. Il faut que tu l'écoutes comme plusieurs fois parce que c'est un disque. Tout s'enchaîne. 74 minutes là, en ligne. OK, c'est beaucoup de. C'est dense. C'est dense, c'est, oui. Tu sais, c'est vraiment. Là, il y a du stock. Là. Vous en avez pour votre argent. Oui, il n'y a pas de doute. C'est vraiment bon, mais c'est ça. Faut être de la patience. Faut que tu mettes du temps là, tu sais, pour vraiment digérer, pour commencer à digérer. Puis là, on va commencer notre digestion, nous autres, avec un premier extrait de. The Antechamber of Being, c'est la part 1. On dit qu'il y a deux autres disques. Ça va être une trilogie. Ah oui, OK. Donc, c'est la première. Donc, de Stuart Bell, qui était batteur à un moment donné pour le groupe, là, qui est rendu claviériste et batteur maintenant. OK. C'est comme, Bruno, là, tu peux y aller. Là, on peut l'écouter. Merci, Bruno. C'est KRL 89.1, Terra Incognita. Once again, I'm in the white light, knowing all yet knowing nothing. Empty space and empty thoughts, my feelings undefined. Trapped inside this long night, craving all yet feeling nothing. Too much space, a million thoughts, emotions intertwined. A beginning and an end, but how? Wish yourself awake.

Vous êtes également les bienvenus. Billets disponibles sur lepointdevente.com. C'est KRL. Es-tu fâché, Bruno? Bah, de retour. Je ne sais pas ce que Bruno, il a choisi son indicatif. Hein? C'était comme. Ouais, c'était un peu techno-industriel. Ben oui, je pense qu'il était fâché. C'est pas tout à fait dans nos cordes. Il était fâché. Ben, on va parler de ce qu'on vient d'entendre. Ça, c'est. Écoute, moi, le Samurai of Prague, j'adore ce disque-là. Oui, c'est leur plus récent, là, ça vient juste de sortir. The Imperial Hotel. Et puis, moi, ce qui me surprend, c'est le Steve Onuro, qui est ce gars-là, est vraiment partout. Il y a Resistor, qui est son groupe. Qui est son groupe. Puisque lui, c'est un Américain, mais il travaille avec des Européens là, dans plein de projets. Si tu regardes n'importe quel, quasiment, le disque concept que Muséa monte. Là, avec, récemment, surtout le Decameron 2. Là. Stephen Roo est dans plein de collaborations. Écoute, puis il en fait solo aussi. Je pense que c'est... Je ne me rappelle plus sur quel disque. Là, je l'ai eu en entrevue, puis il me disait « C'est pas pour rien qu'un pot de café sur la pochette de mon disque. » Je dis « Oui, OK. » Je pense que je comprends là, que il ne doit pas dormir beaucoup. Sur cette pièce-là, il y a une collaboration avec le claviériste du groupe argentin Inetes Negros. Tu as pris des cours d'espagnol. Hein? Ah oui, mais oui. Okay. C'est mon espagnol et... Et parfait. Et dans le sud. Puis, ben, écoute, c'est pas leur premier disque, eux autres, là, mais je pense qu'ils frappent un grand coup avec celui-là. Oui, oui, il est intéressant, franchement, cet album-là. Puis ils reprennent une pièce. Puis la pochette est vraiment superbe aussi. Oui. Ben, ils ont mis le paquet. Là, il y a une longue pièce là, du groupe England là, avec Robert Webb, qui est du groupe England. Qui lui aussi a participé au dernier. Oui, Decameron, exactement. C'est comme une grande famille. Ils produisent beaucoup. Oui. Avec un bonhomme comme Steven Roo, ben là, écoute, je pense qu'ils ont trouvé le bon filon. Là. Il y aura une entrevue avec Steven Roo dans le prochain magazine. Non. Il y en avait une. Il y en a, c'est un. C'est le magazine précédent. Ouais, je il y a rappelle, deux magazines. Oui, il y avait je me souviens d'avoir lu l'entrevue avec ce bonhomme-là. Non, mais c'est parce que moi, quand j'en fais un, puis il y en a un autre qui est en montage. Mais il y en a un qui s'en vient bientôt, là. Puis il y en a un qui s'en vient bientôt avec une entrevue avec Annick Dalton, entrevue avec Steve Babb qui vient de sortir un livre. Oui, oui, oui. Un livre de poésie. Ben, en fait, c'est ça. Ils sont assez actifs, là. Ils font un nouveau disque. Le nouveau disque, Steve m'a dit qu'il paraîtrait en mars. OK. Puis il participe au Ross Fest aux États-Unis. Là. Il y a un peu le vent dans les voiles. Là. Ouais, ouais. Ça a été tranquille pendant un bout, mais là... Je pense que ce que Steve me dit, c'est que Terra Incognita, ça leur a donné le goût. Un regain, hein? Ouais. Ça leur a donné le goût de reprendre. Là, ouais, c'est le fun. Ouais, ils se sont dit, ouais. Ça peut être agréable de faire des concerts. C'est bon. Parfait. Et puis, c'est ça. Écoute, j'ai pas de date de parution, là, mais ça devrait... On devrait finir probablement cette nuit ou demain matin. Quelque chose de genre. Oh oui, on est sur les derniers mille. Je devrais être chez l'imprimeur bientôt. Là. On en reparlera. Et puis, on avait avant, c'est ça ce qu'on avait parlé de Citizen Kane's Stewart Bell. T'as compris ce que je voulais dire par danse et. Oh oui, mais il y avait, comme tu dis, il y avait des claviers un peu plus... Bon, l'intro est à la Genesis, puis oui, c'est ça, mais après, les claviers viennent comme plus agressifs un peu, là, plus... c'est pas techno, mais ça... Comme tu disais, un long album avec beaucoup de matériel. Donc, ça a l'air intéressant. C'est vraiment... Ça a l'air bon. Oui, je pense que... Puis Simonin Rossetti fait du beau travail sur ce disque-là. Il est tout le long, hein. Ok, il est invité, mais c'est pas qu'une seule pièce. Non, c'est vraiment là, tout le long. Et avec d'autres, mais ils s'échangent, un peu comme les albums de Lucassen. Oui, les chanteurs invités participent là, dans tout l'œuvre. toute l'œuvre. Donc, ça, c'est probablement qu'on va, on va sûrement en remettre. Et puis, on continue en musique, mais là, là, sais-tu, je l'ai ici, TNNE, de No Name Experience. En fait, c'est parce que c'est une référence à un groupe qui s'appelait No Name. Oui, tu en as fait jouer une fois, je crois, avec, à une occasion. C'est ça. C'est un groupe qui nous vient du Luxembourg. Et puis, ben, on en profite. On va en profiter pour saluer un fidèle auditeur du Luxembourg, Laurent, qui nous a écrit dernièrement. Un petit clin d'œil. On va y mettre un groupe de chez lui. J'espère qu'il ne m'écrira pas pour me dire « je ne connais pas ça ». Mais ça lui permettra probablement de connaître un groupe local, si c'est le cas. Donc, ben, salut Laurent du Luxembourg. C'est pour toi, donc. On y va avec « The No Name Experience ». I had it from